Stop Covid, note à l'attention des membres du Conseil national du numérique, blog d'Alain Giffard, avril 23, 2020. Vous avez souhaité connaître mon point de vue sur le projet de Stop Covid, à l'occasion d'une audition en ligne ou sous une autre forme. Vous trouverez ci-dessous l'exposé, sous une forme résumée, des principaux points que je pense évoquer devant vous. Cette note a été écrite avant que je puisse prendre connaissance du protocole Robert. De manière générale, je regrette qu'il n'existe pas de document public accessible présentant les grandes spécifications de l'application. Pour l'essentiel, je me suis donc appuyé sur l'article destiné au grand public de Bruno Sportis, directeur de l'INRIA, publié le 18 avril dernier. L'objectif sanitaire. La justification de l'application Stop Covid et son efficacité dans l'action sanitaire contre l'épidémie de Covid-19. Elle doit être conçue, dessinée, comme objet technique, selon cette orientation, et seulement elle. Toute autre utilisation doit être écartée, dès la conception. Je rejoins ici le point de vue du KO Computer Club qui, écrit, dans l'article 1 de ses 10 requirements Force de Evaluation of Contact Tracing Apps, la signification et l'objectif épidémiologique. Le prérequis de base est que le traçage de contact peut aider réellement à réduire de manière significative et démontrable le nombre d'infections. La validation de cette affirmation relève de la responsabilité de l'épidémiologie comme science. S'il apparaît que le traçage de contact via l'application n'est pas utile ou ne remplit pas l'objectif, l'expérience doit être abandonnée. Ainsi conçu, l'objectif sanitaire est à la fois une norme d'éthique appliquée et une orientation pour le design technique. Je n'utiliserai pas l'analyse sous forme de balance risque-avantage. Ma contribution est centrée sur la vérification de ce prérequis de base de l'objectif sanitaire dans le projet de Stop Covid. 2. Proxémie, distance sociale. Stop Covid a deux fois à voir avec la distance. A. Il s'inscrit dans la continuité des mesures de distance sociale, confinement, distance physique. Il part du principe qu'une certaine distance physique peut être considérée comme une entrée sur une hypothèse de contamination potentielle. B. L'hypothèse technique au fondement de l'application Stop Covid est que la distance entre personnes peut être mesurée, rationnellement et valablement, ici comme distance entre deux téléphones, et qu'une application basée sur la mesure de cette distance et son enregistrement cumulé permettra d'aider à contrôler l'épidémie et sortir du confinement. L'application est ainsi définie, lettre du ministre au CNN, comme une application de reconstitution de l'historique de proximité. Dans son article, Bruno Sportis, directeur de l'INRIA, propose d'ailleurs d'employer la formule de proximity tracing plutôt que contact tracing, pour marquer notamment l'absence de géolocalisation. On trouve peu de liens explicites entre la social distance, caractéristique de la proxémie théorisée par l'anthropologue Edward Teol, la dimension cachée 1966, et le social distancing, pratique de santé publique pour contrer les épidémies, apparue en 1918 à Saint-Louis, USA contre la grippe espagnole, et popularisée dans la lutte actuelle contre la pandémie du coronavirus. Les Français tendent à utiliser indifféremment les deux termes, distance sociale et distanciation sociale. Edward Teol distinguait quatre types de distance, publique, sociale, personnelle, intime. Le docteur Salomon, directeur général de la santé, différencie, lors de ses points d'information, distance sociale le nombre de personnes qui se croisent, et distance physique l'écart entre plusieurs personnes. Dans ce contexte, on pourrait dire que la méthode de distanciation sociale comprend des mesures de distance sociale, dont le confinement, et des mesures de distance physique. Quoi qu'il en soit, l'anthropologie et les proxémiques de Hall ont beaucoup à nous apporter sur la notion de distance sociale. Je ne peux faire mieux ici que résumer. La distance sociale selon Hall n'est qu'une variable de la relation que les individus entretiennent à la collectivité. En retour, cette relation individu-collectivité influence la perception de la distance. La distance, en tant que distance sociale, n'est pas seulement relationnelle mais rituelle. La distance peut être mesurée et quantifiée. La relation individu-collectif ne peut l'être. Le rite permet de vivre en société car il énonce les normes. C'est grâce au rite que les gens identifient une attitude normale, par exemple une distance normale. Le rite intervient dans la gestion de la vie quotidienne, Goffman, et dans les moments extraordinaires, comme l'actuelle épidémie, où on constate l'apparition de plusieurs rites ou rituels nouveaux, en particulier autour de la distance sociale. L'application Stop Covid devra donc endosser deux réductions de la notion de distance, passage de la distance sociale à la distanciation sociale, passage de la distance entre hommes à la distance entre téléphones. En résumé, si on comprend que la distance sociale est subjective, qu'elle est une création rituelle de l'homme, la distance entre deux smartphones ne peut pas plus la représenter que la distance entre deux pantalons ou tous autres objets dont le mode d'existence dépend étroitement de la vie humaine. La supériorité des téléphones sur les pantalons est leur capacité de communication, sur laquelle se construit une mesure de distance et d'enregistrement. Mais comme tous les objets, notamment techniques, ils ont leur vie propre, distincte de celle des hommes. Leur distance réciproque reste celle de deux objets. Leur capacité à représenter la distance sociale humaine doit être problématisée, et éventuellement construite, mais sûrement pas considérée comme allant de soi. La distance sociale humaine est une relation, et ne peut être réduite à un quantum. Ah. Il n'y a pas de possibilité, dans un projet de traçage de la proximité, d'évacuer totalement la distance relation pour se concentrer sur la distance mesure. D'une part, la distance mesure des téléphones produira des données parfois très éloignées de la question à traiter, la pandémie, et donc du bruit. D'autre part, la distance relation se rappellera dès le début, lorsqu'il faudra trouver des volontaires, puis dans les interactions entre porteurs de smartphones, dans la phase de collecte des données, puis à la suite des tests en cas de résultats positifs, dans l'analyse des données et la notification aux proches. Bruno Sportis écrit : cette information, la notification aux personnes potentiellement contaminées, peut alors déclencher un renvoi vers divers actes, un respect scrupuleux des gestes barrières, un suivi journalier des symptômes, une consultation, un test. On ne devrait pourtant pas oublier que le prix à payer pour les personnes finalement positives pourrait être l'isolement, individuel ou collectif. 3. Identification des malades, la collecte des données. D'après le dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, l'épidémiologie est la science fondamentale de la nouvelle santé publique, post-hygiéniste. Fondamentalement, l'épidémiologie est la statistique appliquée à la santé publique. William Farr, couramment considéré comme son fondateur, était à la fois médecin et superintendant des statistiques de l'état civil britannique. Dans la lettre de mission déjà citée, le but de Stop Covid est d'aider à identifier rapidement les chaînes de contamination potentielles. L'objectif pratique à partir de l'identification de ces chaînes de contamination est d'isoler les malades, individuellement ou collectivement, afin de ralentir le virus, puisqu'il n'y a ni vaccin ni traitement. En apparence, il s'agit d'un autre confinement. En réalité, l'isolement, soit le confinement des malades, signifiera le passage d'une méthode grossière, pré-scientifique, de ralentissement de l'épidémie, à une tentative de contrôle épidémiologique, scientifique, médical. La question pour Stop Covid est, est-ce que cette application est calibrée pour un tel objectif, c'est-à-dire le tournant épidémiologique et médical du contrôle de la pandémie? On peut s'interroger. À certains observateurs, comme William Dabb, épidémiologue et ancien DGS, soutiennent que peu d'études épidémiologiques ont été conduites en France depuis le début de la pandémie. Si c'est le cas, il sera difficile de créer des situations expérimentales robustes pour juger et améliorer l'application. B. Le point de départ du traitement des données collectées par l'application est une opération médicale classique, le test qui aura prouvé la positivité d'un patient aura, en même temps, produit une entrée sur une ou plusieurs chaînes de contamination. Il y aura donc deux processus distincts, le test mené par le laboratoire, le diagnostic et l'enquête humaine du médecin, suivi par l'identification des autres contaminés, la décision d'isolement et les recommandations adressées aux probables contaminés. L'exploitation de l'historique de proximité, la notification envoyée aux personnes enregistrées dans cet historique, ou à certaines d'entre elles considérées comme potentiellement contaminées, et les recommandations adaptées, jusqu'à celles de leurs propres tests. Nous manquons d'informations sur la qualité de cet historique, c'est-à-dire sur la pertinence épidémiologique des données ainsi collectées. D'une part, il s'agit d'une proximité des smartphones. Une partie des données n'auront pas de sens du point de vue de la proximité humaine, par exemple, le signal pourrait, semble-t-il, traverser les murs et présenter comme proche des gens qui ne se voient jamais. Surtout, l'historique des proximités ne vaut pas comme historique des contaminations. De nombreux commentateurs ont insisté sur la nécessité d'un socle minimal de population équipée avec l'application. B. En sens inverse, l'historique peut enregistrer des proximités non pertinentes, comme celles de personnes qui se protègent. Enfin, l'enregistrement de proximité ne peut définir que l'ensemble des personnes potentiellement contaminables et non celui des personnes effectivement contaminées. Résumons. Tous les proches ne sont pas enregistrés, tous les enregistrés ne sont pas potentiellement contaminés, tous les potentiellement contaminés ne le sont pas effectivement. Dans un article intéressant Le double risque de la cygnose et du glissement, Hubert Guillot reprend une notion d'Antoinette Rouvroy, la cygnose, soit prendre le signe pour la chose, transformer le signe en signal. Je remarque qu'ici le risque est redoublé, prendre le signe d'une réalité, la mesure de la distance des téléphones comme signe de la proximité des personnes, pour le signe d'une autre réalité, la contamination. 4. Identification des malades, le traitement des données. Je ne sais pas quels travaux ont été faits pour évaluer dans quelle mesure on pouvait passer des données de proximité à des données de contamination. Mais il faut absolument éviter que le processus StopCovid de traitement de ces données interfère et crée des difficultés au processus médical humain. Plusieurs scénarios ou modèles sont concevables. A. Le modèle communautaire et semi-automatique. Le premier scénario est celui d'une alternative au traçage humain, de type médical, des contacts par un système semi-automatique, Dès qu'une personne est testée positive, elle notifie l'information à tous ses proches de manière anonyme. Je me sens très proche de la position prise par Jason Barry, un véritable maître d'ouvrage informatique, senior directeur des services gouvernementaux numériques à l'agence technologique gouvernementale de Singapour, et chef de projet de TrustAuthor, le stop Covid singapourien. Le mieux est de le citer. If you ask me whether any Bluetooth contact tracing system deployed or under development anywhere in the world is ready to replace manual contact tracing, I will say without qualification that the answer is no. Not now and even with the benefit of ML. Not for the foreseeable future. There are critical factors that a purely automated system will not have access to. You cannot big data your way out of no data situation. Period. Any attempt to believe otherwise is an exercise in hubris and technology triumphalism. There are lives at stake. False positives and false negatives have real life and death consequences. We use the TrustAuthor to supplement manual contact tracing, notre place it. Ce modèle peut être qualifié de communautaire parce qu'il ne fait intervenir personne d'autre que les proches dans le traitement des données qui est réduit à presque rien. Or le point clé dans l'article de Jason Barry est la no data situation qui caractérise l'historique de proximité. Et cette situation pas de données, premier, pas de données pertinentes, et pas de traitement des données ne peut pas ne pas percuter l'organisation des tests. D'après ce que j'ai compris, la mise en place de la procédure tester identifier isolé devrait se faire de manière systématisée, soit à partir des symptômes ressentis par une personne, soit de manière concentrée, dans les EAD par exemple. La no-data situation introduit une autre logique où des personnes, sans symptômes, sans faire partie d'un public repéré, mais seulement parce qu'elles ont été identifiées pour leur proximité probable avec une personne positive, se présenteront, normalement, au test, après avoir reçu leur notification. Il n'est pas difficile de comprendre que, si la proportion des faux présumés positifs parmi ses proches est élevée, leur examen pèsera inutilement sur le personnel médical chargé des tests ou des enquêtes et ira à l'encontre d'une politique de tests systématisée. À cette surcharge des médecins correspond d'ailleurs moins, ce qui n'est pas sans poser des problèmes d'éthique médicale, une sorte d'inquiétude non nécessairement fondée du côté des proches potentiellement contaminés, voire une réaction médicale disproportionnée ou sans effet parce que sans véritable cause. B. Le modèle médical. L'autre scénario, utiliser StopCovid pour compléter le traçage des contacts par le personnel médical est différent et correspond au cahier des charges dressé par Jason Barry. Une personne testée positive pourrait partager avec le personnel de santé son historique de proximité et aider à l'identification des personnes potentiellement contaminées. Le traçage numérique de la proximité est interprété par le médecin pour compléter sa propre enquête. Une relation de confiance pourrait être créée en incluant certaines procédures comme la suppression des historiques, conjointement par la personne et le médecin. Dans ce scénario, après les résultats du test passé dans un laboratoire, la personne positive est reçue par un médecin. C'est auprès de ce médecin qu'elle, 1. Apprend son état, 2. Se voit notifier une mesure d'isolement individuel ou collectif, 3. Est interrogée sur les personnes potentiellement contaminées, famille, travail, etc. Ensuite le médecin et le patient consultent le serveur, c'est-à-dire les données de l'historique de proximité toujours anonymisées, rapprochées d'informations directes données par le patient au médecin. Sur un plan pratique, ce modèle suppose la coïncidence d'un patient équipé de l'application et d'un médecin prêt à s'investir dans ce travail. On peut aussi s'interroger sur le caractère réaliste d'une telle coopération médecin-malade au moment où ce dernier vient d'apprendre la décision d'isolement. Dans ce modèle, c'est au médecin qu'il revient, au risque évident d'une surcharge de travail, de devoir interpréter l'information de proximité du patient, à transformer les no-data en données pertinentes. C'est le modèle serveur. Le schéma présenté par Bruno Sportis semble prévoir que le traitement de l'historique de proximité et l'envoi de la notification aux contaminés potentiels se fassent au niveau du serveur central qui dispose de la liste des crypto-identifiants. La notification, aux personnes potentiellement contaminées, se fait sur la base d'une évaluation du risque en utilisant l'information de proximité. Aussi évasive que soit cette évocation, elle suppose l'existence de personnel, des travailleurs numériques invisibles quasi-li, ou des personnels de santé, aptes à traiter l'information de proximité, bien qu'ils ne semblent pas disposer des connaissances que procure l'entretien direct médecin-patient. S'il semble qu'on veuille, dans ce schéma, éviter l'afflux de demandeurs de tests, ce ne peut être qu'au prix de l'organisation d'un traitement, global et au cas par cas, des historiques de proximité. Dans les trois scénarios, la pesée, sur le système de santé, du travail pour qualifier les datas de proximité collectées par les smartphones est considérable. Elle se traduit dans le premier cas, par un risque d'engorgement des tests, dans le deuxième, par une surcharge du médecin, et dans le troisième, peu explicite, par le travail de personnel au niveau du serveur. 5 Stop Covid. Qu'est-ce qu'une application de déconfinement? La lettre de mission du ministre insiste à deux reprises sur le contexte dans lequel l'application sera éventuellement amenée à se déployer. Une étape postérieure de gestion de l'épidémie, parmi d'autres mesures sanitaires. Déploiement de l'application point dans la mesure où elle serait retenue dans une stratégie sanitaire d'allègement du confinement, en conformité avec les obligations sanitaires associées. Le sort de l'application est donc étroitement lié à une nouvelle phase de la stratégie sanitaire, définie comme un allègement du confinement, version prudente de ce que les médias appellent le déconfinement. L'application est présentée comme une « mesure sanitaire ». Je voudrais donc reprendre sous un autre angle la question formulée plus haut. Stop Covid est-elle une application candidate à porter le tournant vers un autre type de contrôle de la pandémie? La notion de confinement est équivoque. Elle comprend en effet deux significations très différentes. Dans la première acception, qui est celle par exemple de l'OMS, confinement traduit containment qui était d'abord rendu paradigmant et désignait une stratégie d'arrêt de l'épidémie. Pour plusieurs raisons qui n'ont pas à être examinées ici, la France n'a pas été en capacité d'appliquer l'ensemble des mesures caractéristiques de cet endiguement ou confinement. C'est le cas en particulier de la chaîne testère identifiée isolée. Dans une deuxième acception, le confinement correspond au lockdown ou au stay-at-home order. C'est la définition que retiennent en général le public et les médias, restez de chez vous. C'est la mesure la plus radicale de distanciation sociale. Ce qui distingue la deuxième phase qui devrait s'ouvrir à la mi-mai, c'est la continuation de l'endiguement avec l'allègement du confinement pratique et le lancement des mesures épidémiologiques testères identifières isolées. Le confinement était surtout une mesure d'ordre public destinée à permettre à l'appareil de santé de faire face. Il ne distinguait pas les malades des bien portants, ni les confinés des non-confinés. Il semble qu'il ait permis de ralentir le virus. La deuxième phase est plus médicale et marquée par les tests. Il semblerait absolument décisif que Stop Covid soit clairement rattaché à cette dimension médicale de la nouvelle phase. Je ne vois pas la relation entre Stop Covid et l'allègement du confinement. C'est à l'identification et l'isolement des malades que l'application devrait être très explicitement rattachée. Mais il est clair toutefois que son statut d'application médicale est loin d'être établi pour les raisons que j'ai tenté de présenter. 6. Conclusion. Une orientation positive du projet de Stop Covid et du protocole Robert est l'insistance mise par ses promoteurs à rattacher l'application au monde de la santé publique et à en confier les clés aux autorités de santé. Mais je ne pense pas que toutes les conséquences exigeantes d'une telle orientation aient été tirées. Dans l'état actuel du projet, les conditions ne me semblent pas avoir été réunies pour garantir que l'application contribuera de manière significative et démontrable à diminuer le nombre des infections. Le traitement purement quantitatif de la proximité et l'oubli de la dimension de relations sociales sont à même d'entraîner toutes sortes de difficultés à l'occasion de la collecte et du traitement des données. Le risque de collecter des données peu pertinentes et difficilement exploitables est majeur. Il ne pourrait être compensé que par un travail important de retraitement ou de qualification des données, qui n'est pas assuré, ou une explosion des demandes de tests. Dans l'un et l'autre cas, il y aura une occasion de surcharge de travail du personnel soignant. Cette surcharge de travail n'est pas un dommage collatéral mais une conséquence de l'orientation du projet. Une application de ce type ne devrait pas être séparée, mais au contraire rapprochée et mise au service de l'analyse, par le médecin, de la proximité des malades. Il est exagéré de présenter Stop Covid comme une mesure sanitaire. Il serait plus adapté d'insister sur son rattachement au processus testère identifière isolé. Si on veut créer une application d'aide à la recherche et à la qualification des proximités par les soignants, il faut le faire directement et non par détournement, en s'assurant d'abord de la pertinence médicale et épidémiologique des données. Si on désire aller vers un big data épidémiologique, orienté vers la recherche, plutôt que l'endiguement de la pandémie, il faut le dire et s'y prendre autrement. Cette remarque sur la VIE, privée. Conformément au principe que j'avais proposé au point 1, citant le Chaos Computer Club, je n'ai pas examiné les nombreux aspects juridiques, me concentrant sur l'objectif central de l'application. Je me contenterai d'une remarque. On entend souvent, par exemple en opposition aux méthodes chinoises, insister sur la nécessité d'une approche de type démocratique. Il semble plutôt que la vie privée que l'on souhaite protéger ici relève du libéralisme politique. C'est typiquement une des libertés des modernes dont Benjamin Constant disait qu'elles avaient été en quelque sorte gagées par le renoncement des citoyens à se gouverner eux-mêmes. Je ne crois pas que nos contemporains, sous prétexte qu'ils acceptent tout des entreprises de l'économie de l'attention, l'accepteraient aussi de la part de l'État. Les citoyens français attendent toujours que l'État protège leur vie privée. Il me semble que le Conseil national du numérique ne sortirait pas de son rôle en suggérant au ministre que la protection de la vie privée dont on parle ici est une matière hautement inflammable. Elle porte, pour reprendre le classement de Hall, non seulement sur les distances publiques et sociales, mais aussi sur les distances personnelles et intimes, et leur entrelacement dans les différents espaces publics et privés. Une telle exigence ne peut être portée sans une grande fermeté à l'égard des industries de l'information, notamment celles qui reposent sur l'économie de l'attention. À proximité des hommes ou proximité des choses et notamment des objets techniques. Cette pandémie nous impose de déplacer notre regard sur le rôle de ceux que Bruno Latour appelle les actants. Mais le problème principal est évidemment, et j'aurais dû le souligner, que les personnes les plus âgées, victimes principales du virus, sont précisément celles qui n'ont pas de portable. Ce qui conduit naturellement l'équipe anglaise favorable à l'application à recommander le maintien des vieux en quarantaine, voire ci-dessous. Ces notes sont des ajouts ultérieurs. Post-scriptum. Le texte ci-dessus est celui de la contribution que j'ai adressée, le 20 avril 2020, au Conseil national du numérique. De nombreux points n'y sont pas abordés, dont certains importants. Consentement, risque pour la vie privée, anonymisation, articulation avec les GAFA et l'économie de l'attention, architecture technique. Plus généralement, il est tout à fait légitime et nécessaire d'interroger A. la mise en place d'un ordre technologique dans le cadre d'une situation d'exception juridique et le renforcement en retour des atteintes aux libertés des modernes. B. le formatage de nos existences par l'économie de l'attention et la société de surveillance croisant la police des populations via des mesures de santé publique. Je reviendrai sur certains de ces points. Mais, ici, mon entrée est différente. Je ne recherche pas un équilibre entre risque et avantage. Cette démarche, pour être habituelle en matière de calcul économique, ne peut être adoptée comme méthode de principe pour une question médicale. Si l'application rend peu de service contre la pandémie, sans être excessivement nuisible pour les libertés, elle n'aura pas pour autant de raisons valables d'être retenue. J'adopte donc, A. le point de vue de l'action publique, individuelle ou collective, que faire ? B. le point de vue premier de l'objectif médical. Une vision tranchée de l'article 1 du Chaos Computer Club m'apparaît la meilleure méthode. Néanmoins, même sur cette base, je n'ai pas été en mesure d'intégrer au texte une nécessaire perspective généalogique sur l'application. C'est un travail que je fais en ce moment. En voici les premiers éléments. Le texte de référence des applications de contact tracing, d'ailleurs mentionné dans l'article de Bruno Sportis, provient d'une équipe anglaise animée par Christophe Fraser. Ce texte est un article paru dans Science, le 31 mars dernier. Il s'accompagne d'un rapport de la même équipe ONHS, 14 avril pour la V2. La principale expérience évoquée par l'équipe Fraser est la mise en place par les autorités sanitaires de Wuhan d'une application de traçage, avec géolocalisation, à partir d'un plugin de WeChat et Alipay Apps. Son utilisation est directement présentée comme la cause principale du succès du contrôle de l'épidémie à Wuhan. En ce qui concerne d'autres aspects de ce contrôle, l'article dit ceci, et seulement ceci. Both the Chinese and South Korean apps have commander public scrutiny over issues of data protection and privacy. L'article présente l'utilisation d'une application de traçage des contacts comme susceptible d'éviter la quarantaine de masse ou confinement. Sur ce vocabulaire, je me permets de renvoyer à mon article Recherche du confinement. On se souvient que telle était alors la politique du Royaume-Uni. Cependant, le rapport, deuxième version, soutient que l'adoption d'une application de traçage des contacts permettrait une politique de mitigation-atténuation et de sortie du confinement. Elle soutient que l'épidémie peut être supprimée avec 80% de smartphones utilisant l'application, soit 56% de la population. Elle estime cependant nécessaire d'écarter du schéma les personnes âgées de plus de 70 ans, pour lesquelles elle recommande un confinement partiel. Je soumets ces quelques éléments à votre sagacité. Référence. The Requirement for the Evaluation of Contact Tracing Apps, KO Computer Club, 6 avril 2020. https://www.ccc.de/en/update/2020/contact-tracing-requirement. Automating Contact Tracing is not a coronavirus panacea, Jason Barry, 11 avril 2020. https://blog.gds.gov.tech/automated-contact-tracing-is-not-a-coronavirus-panacea 57 FB 361D98. Contact tracing, quelques éléments pour mieux comprendre les enjeux, Bruno Sportis. https://www.inria.fr/fr/contact-tracing Bruno Sportis PDG d'Inria donne quelques éléments pour mieux comprendre les enjeux Stop Covid, le double risque de la cygnose et du glissement, Hubert Guillot, 10 avril 2020 https://medium.com/@hubertguillot/stopcovid le double risque de la cygnose et du glissement BNE2205BFF5A quantifying SARS-CoV-2 transmission suggest epidemic control with digital contact tracing, Science. Lucas Ferretti et al., 31 mars 2020, https://science.sciencemag.org/content/early /2020/04/09/science.bbc1936 Effective configuration of digital contact tracing app, rapport ONHS, V2, Robert Inchial, 14 avril 2020.